laisse-moi vivre ma vie. Non, je ne regrette rien. Je ne veux plus être celui qui ne connaît que des chagrins. Laisse-moi vivre ma vie. Si tu m'aimes encore un peu, ferme ta porte cette nuit. Ça vaut mieux pour tous les deux. Comme tu as changé, tu n'es plus la petite fille que j'ai tant aimée, que je trouvais si gentille. Que de temps perdu depuis que nous vivons ensemble. Pourtant au début tu me disais comment ça ressemble. Laisse-moi vivre ma vie et redevenir un homme. Je ne sais plus où j'en suis. Je ne connais plus personne. Tu n'es plus la petite fille que j'ai tant aimée, que je trouvais si gentille. Que de temps perdu depuis que nous vivons ensemble. Pourtant au début tu me disais comment on se ressemble. Laisse-moi vivre ma vie. Ne me retiens surtout pas. Si je reste encore une nuit, je n'aurai plus confiance en moi.